14-29, activation orale, forme verbale. Répondez selon les exemples. Vous entendez ? 1. Qu'est-ce qui travaille ici ? Vous voyez ? Nous. Et alors vous dites ? Nous, nous travaillons. Ou bien vous entendez ? 2. Qui est-ce qui crie comme ça ? Vous voyez ? Ce sont les manifestants. Alors vous dites ? Ce sont les manifestants qui crient. Allons-y. 3. Qui est-ce qui parle français ici ? Nous, nous parlons français. 4. Qui est-ce qui parle français avec le professeur ? Vous, vous parlez français avec le professeur. 5. Qui est-ce qui passe la nuit à travailler ici ? Nous, nous passons la nuit à travailler. 6. Qui est-ce qui invente l'histoire ? C'est vous qui inventez l'histoire. 7. Qui est-ce qui discute l'histoire avec le professeur ? C'est nous qui discutons l'histoire avec le professeur. 8. Qui est-ce qui habite à Paris ? Vous, vous habitez à Paris. 9. Qui est-ce qui habite près du Luxembourg dans l'histoire ? C'est Mireille qui habite près du Luxembourg. 10. Qui est-ce qui adore les histoires de crimes ici ? C'est vous qui adorez les histoires de crimes. 11. Qui est-ce qui aime le cinéma ici ? Nous, nous aimons le cinéma.